Les comités de souvenirs du président Kim Il-sung ont été constitués dans divers pays. Le comité pour la mémoire du camarade Kim Il-sung, grand leader, est constitué en Ukraine, en Ouganda, en Norvège, au Parti communiste, les communistes de Russie, et au Parti pour la paix et l'unité de Russie, le comité de souvenirs du président Kim Il-sung, grand leader, en Tanzanie, le comité slovène et le comité national serbe pour la mémoire du camarade Kim Il-sung, grand leader, à Bratislava et à Belgrade, le comité de souvenirs du camarade Kim Il-sung au Parti communiste allemand, le comité de souvenirs du président Kim Il-sung en Russie, en Angola et à l'Union générale de la jeunesse d'Algérie, le comité de souvenirs du généralissime Kim Il-sung au Pérou et le comité du Parti socialiste béninois pour la mémoire du généralissime Kim Il-sung à Cotonou. Ils ont décidé d'organiser les rendez-vous, séminaires sur les exploits, conférences et autres cérémonies politico-culturelles pour louer la vie révolutionnaire du président Kim Il-sung et ses exploits impérissables. Par ailleurs, le comité international pour la mémoire du camarade Kim Il-sung, grand leader, et les comités brésiliens, congolais et biélorusses pour la mémoire du président Kim Il-sung viennent d'être constitués.